En ce temps-là, confédéré. En ce temps-là déjà. Comme aujourd'hui. Monta le vent des plaines. Vent de guerre. Vers le Gothard, notre bastion sacré. Alors un homme s'est dressé. Prêtez l'oreille. Témoin de Dieu dans le fracas de la colère. Là-bas, tous gris. Ensemble, ensemble. Il reste seul. Tous gris. Il reste pauvre et seul. Tous gris. La guerre. Et lui tout seul dit paix. Ce soir encore, confédérés, notre héros et notre saint nous parlent. Là-bas, tous crient. Ensemble, ensemble. Il reste seul. Tous crient. Amour. Et lui dit amour. Tous crient. La guerre. Et lui tout seul encore dit courage au peuple, reste uni. Le matin vient.